Bonsoir et bienvenue dans cette 19e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon, comme chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Je suis ravi de passer la soirée en votre compagnie. Ce soir, c'est rock'n'roll. On commencera cette belle soirée avec Sepultura et Territory. C'est sur l'album Chaos AD, sorti en 1993. Un carton cet album, que du bon, du gras, du lourd. Refuse, résiste, qui a été reprise par Massisteria en concert, Slave New World, Manifest et plein d'autres. Je diffuserai ensuite Répression de Trust, c'est aussi le titre de leur deuxième album sorti en 1980. On retrouve Antisocial, Monsieur Comédie, Instant de Mort et Le Mitard en hommage à Jacques Mesrine, un excellent album. On s'écoutera ensuite Love Me Two Times des Doors, c'est sur l'album Strange Days paru en 1967. On peut entendre Strange Day, Unhappy Girl, Your Lost Pretty Girl, People Are Strange et le fameux When the Music's Over, Turn on the Light. Je passerai ensuite Land Called Home de Jacob Miller. C'est sur l'album Killer Miller, sorti en 1978. On peut entendre Forever, Shaky Girl, 800,000 Carolines Ethiopian, un terrible album, pas facile à trouver aujourd'hui. Et on finira ce bloc en live avec Bruce Springsteen et Murder Incorporated du live à New York City en 2000. Ce morceau est très rarement joué en live par le boss. Behind propaganda, for information. deep my soul to believe in that man. Racist human being, racist growing limb, shame and regret of the pride you once possessed. War for territories, war for not speak. Tell me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time. I'm gonna wait. Love me two time. I'm gonna wait.

Vous écoutez toujours la Vampire Freaks numéro 19 et c'est Spike qui vous accompagne. On continuera cette soirée avec Les Crétins des Alpes et AHEV Les Chevreuils du génialissime Yodé, sorti en 2014. Si vous êtes fan de Les Crétins des Alpes, ils ont lancé la souscription pour leur 5e album. Il s'appelle Chevalier Crétin. Ça promet, allez-y, souscrivez. Hâte de vous faire découvrir sur Yodé. On retrouve La Pelouse, Sanary le Roi des Poissons notamment. On restera dans le rock alternatif français avec Mano Negra et Rock Island. C'est sur l'album Pachanka, sorti en 1988. C'est le premier album de la Mano Negra. On peut entendre Rando de Nuit, Indios de Barcelona, l'incontournable Malavida. Je diffuserai ensuite Ne fais pas cette tête là des shérifs. C'est sur l'album La Saga des shérifs, paru en 2000. On retrouve La Saga des shérifs, Hisser le drapeau noir, Les deux doigts dans la prise et plein d'autres. Je diffuserai ensuite Take It Easy de Judge Dredge. C'est sur l'album Last of the Skinhead, sorti en 1976. J'ai envie de douceur et de live. On s'écoutera Lita Ford et Close My Eyes Forever, écrite par Ozzy des Black Sabbath. Et oui, les femmes rejoignent la tribu pour le bonheur de tous. Loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi Lie a with my toy. Yes, you can. Out in Argentina, there's plenty señorinas. Very Buenos Aires, plenty short and curlies. Where the pampas grass grows, I ain't got sombreros. Take it easy, but take it. If you do, then we're gonna make it. For I am a rude boy, but I am certainly not a crude boy. We make love all day long underneath the hot sun. No shade there for no one. Get the sun on me bum. Take it easy, but take it. If you do, then we will make it. My toy. I go off to Guinea. Me look out for me. One night after nightfall, me meet a little cannibal. I ask the girl what she do. Having a ball, what about you? You might call it a boat, but it's more manageriating. Alright, here we go. Take it. If you do now, we will make it. Take it easy, but take it. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? In the palm of my hand, and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to. If I close my eyes. Vous êtes toujours dans la Vampire Freaks numéro 19. J'ai envie de gros sons live. On s'écoutera Les Vents Passent et Oi, c'est sur l'album Never Trust Alive, paru en 2004. On ira faire un tour au Québec et on ira voir Fidel Fiasco et leur titre Gat Carrière. C'est sur le dernier album de Fidel Fiasco, Banal et Paétique. Allez faire un coucou sur la page Facebook de Fidel Fiasco. Un petit like au passage, ça leur fera plaisir. J'ai une dédicace à passer à Jean-Pascal qui nous écoute à Draguignan via archive.org. Je diffuserai La vie c'est rock'n'roll de GRM, c'est sur l'album Et nous on est où, sorti en 2014. Allez faire un tour aussi sur la page Facebook de GRM, Guitare Rouge Musique. Sur Et nous on est où, on peut entendre Sexe contre Sexe, Mind the Gap version 2014 et Rock Intimity entre autres, un super album. Puisqu'on sera dans le rock british, je diffuserai les Rolling Stones et Jumping Jack Flash. C'est sur l'album Shine a Light, sorti en 1970. On peut entendre Shattered, Faraway Eyes, She Was Lost, entre autres. On a commencé ce bloc en live, on le finira en live et en vinyle avec Iron Maiden et le grand classique Running Free. C'est sur Live After Death, paru en 1985. C'est le premier album live d'Iron Maiden. On retrouve Ace's Eye, The Trooper, Flight of Icarus, entre autres. Et je tiens à remercier Bernard de Saint-Malo pour m'avoir envoyé ce son. Je n'arrivais pas à le retrouver ou alors à des prix d'enfer. Heureux comme on serait en enfer. Toujours rempli de poussière de pierre. Je brûle du matin jusqu'au soir. Ça va faire. Mais je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Heureux, heureux au fond de ma grosse bière. Les yeux suivirés à l'envers. Je suis un gobelin ordinaire. Mais je voudrais bien revoir ma brune. Je me réveillais je voudrais bien connaître le calvaire qui m'a souhaité autant de misère. J'suis le gars de carrière, j'passe ma vie dans la poussière, heureux comme on serait en enfer. Deux yeux remplis de poussière de pierre, je bois du matin jusqu'au soir. Mais je sais que je vais redescendre au plus profond appui, plein de cendres avec au-dessus de moi toute cette terre des cartouches de rock and roll. Eh oui, ça craque, ça croustille, j'adore ça. Vous écoutez toujours cette 19e Vampire Freak sur votre radio favorite. Si on s'écoutait un Nordaise en live, ça vous dit? Eh ben moi aussi. Alors je diffuserai One Trip, One Noise, du double live en public sorti en 2004. Je passerai ensuite Lynx, Zu, Zwei, Fear de Rammstein. C'est sur l'album Mutter, sorti en 2001. On retrouve Mein Herzbrand, Ichwil, Firefly, entre autres. J'adore cet album. On poursuivra cette belle soirée avec Red Hot Chili Peppers, Threw Away Your Television. C'est sur l'album By The Way, sorti en 2002. On retrouve International Speaking, Dozed, Don't Forget Me, Venice Queen, entre autres. Cet album est souvent considéré comme la continuité de l'album précédent, Californication, sorti en 1999. Je diffuserai ensuite The God's Failure de Prime Sinister. C'est sur l'album The Blackest Movie sorti cette année. On retrouve The Weight I Can Chase que j'ai diffusé dernièrement, L1 et plein d'autres. Je les aime beaucoup les Prime Sinister, ils sont français, ils sont originaires d'Orléans. Continuez comme ça les gars, vous êtes bons. Je vais faire en sorte que vous soyez le plus largement diffusé. Bise, allez faire un tour sur la page Facebook de Prime Sinister, un petit like au passage. J'ai envie d'écouter un petit scapé, mais en live. On s'écoutera Intifada, c'est sur le live Incontrôlable, enregistré pendant la tournée européenne qu'ils ont effectuée en 2003. On retrouve El Gato Lopez, Planeta Escoria, Elvas de Sombrero et le cultissime Cannabis. De la Corse, romanesque, à la sauce. One trip, one noise, one trip, one noise. Circuler et nuées bleues. Les spécialistes de l'enjeu. One trip, one noise, one trip, one noise. Une longue attente avant de s'élancer. One trip. One more. Yeah. chien, one no.

Vous êtes toujours dans Vampire Freaks, comme chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et ce soir c'est la 19e. J'ai encore décidé de faire la part belle au live. Je diffuserai Heart Shake Rock de Doro. C'est sur Live 25 Years Ago, sorti en 2010. On peut attendre I Rule the Rhine, You're My Family, Above the Ash notamment, un magnifique album. Je passerai ensuite au TH et le titre Parce que ça nous plaît, c'est sur l'album Sur des charbons ardents, sorti en 1986. On retrouve Blasphème, Le Soleil du Midi, le rap des Rapetous, enfin que des tubes, et c'était le deuxième album d'OTH. Je vous emmènerai en Italie avec Talco et Danza dell'Autonoronasa. C'est sur l'album Gran Gala, sorti en 2012. On peut entendre aussi Gran Gala, La Mia Città et plein d'autres. Si on se fendait la poire, je vais diffuser une chanson reprise par les Ludwig von 88. Devinez qui est l'artiste original. Laissez-moi un message sur la page Facebook de l'émission Vampire Fix, l'émission radio. Tout ce que je peux dire comme indice, c'est que c'est sur l'album 17 points pour péter les tubes. Si vous avez cet album, dites-le moi, faut qu'on discute. On a commencé en live et on finira ce bloc en live avec Peter Tosh et Not Gonna Give It Up. C'est sur l'album Complete Captured Live, sorti en 1984 et remasterisé en 2002. On retrouve Coming In Hot, Rastafari, Where You Gonna Run, entre autres. Yeah. comme témoin que rien. On répond en pensant à autre chose. On n'a pas le choix. Mais au fond, quand on y réfléchit, c'est parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Personne ne comprend pourquoi on est toujours défoncé. Pourquoi on n'a pas le courage quand d'essayer d'en sortir. On leur dit quand on peut encore en parler. On n'a pas le choix. Faut pas se casser le cul à leur expliquer. C'est parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. C'est vrai qu'on ne peut plus changer notre façon d'exister. Si un jour on devient vieux, ça sera la cloche et la rue. En attendant, on peut continuer à en profiter. À vivre comme des parasites. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio, rinnegata da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio, lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color, è l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione, e crolla i preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio, sai. Dama che spinse la culla, viscida striscia, tra le carni di un vecchio che scalda la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in ora, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata. Alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio. Alie, alio. lunga per viaggiare a piedi e addio. Cavalcar solo venti a favore, siano freddi e nudi di passione. Per voi ti adoro, vedi Maddalene senza quello. I'm not going. Et oui, c'était Libertine de Mylène Farmer que les Ludwig ils ont repris. Ils respectent vraiment rien, ces punks. Cette 19e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur votre radio favorite. Je dédicace le générique à Mélissa qui nous écoute au Puy-en-Velay. Il s'agit de Fuck Me Pumps d'Amy Winehouse. C'est sur l'album Frank, paru en 2003. On retrouve Stronger Than Me, Cherry, I Heard Love Is Blind, entre autres. Laissez-moi des messages sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toute la tribu! When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me-pumps. And the man notice you with your Gucci back crew. Can't tell who he's looking to. Cause you all look the same. Everyone knows your name. And that's your whole claim to fame. Never miss a night. Cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like what you say, what you really would mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. What you'd love a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan, looking for a man. What you end up with one night stands. He could be your whole life if you got past one night. But that part never goes right. In the morning, you're vexed. He's on to the next. And you didn't even get no text. Don't be too upset if they call you a skank. Cause like the news, every day you get pressed. You don't like players. That's what you said. But you really wouldn't. You'd love a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight. And you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breast costs more than hers. So you did Miami, cause you got that for free. But somehow too much. Met somebody and spent the night getting caned. Without girls like you, there'd be no fun. We go to the club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad. Cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work. You should've known from